Noël. Ah, mais attends, c'est Père Noël. Attends, c'est Père Noël. Mais moi, c'est pas le Père Noël que je regarde, c'est mes élèves. Oui, la Père Noël. Parce que là, vous êtes tout doucement en train de pousser les maternelles devant. Donc les miens ont se reculé légèrement. MJ. 1, 2, 3, 4, Père Noël. 5, 6, 7, 8, 3, Michel. Oui, je dois me lever sur l'étoile, je vais me promener, jouer, chanter, danser le rock'n'roll. Joyeux Noël.